J'ai même pas envie de m'entendre. Moi aussi, j'ai la voix cassée. Laisse-moi là. Je ne veux pas être ton héros. Je ne veux pas faire ton bonheur. Il faut toujours être ailleurs. Écoute-moi. Le monde est interminable. L'amour passe ou l'amour tue, tu n'as pas encore tout vu. Tu sais, Sydney, un job, une femme peuvent suffire. Mais l'ennui me fait souffrir, et la vie est tellement longue. Je sais, Tony, les trottoirs nous ramènent là où le destin s'enchaîne, que la vie est une mise en scène. Laisse-moi là, je ne veux pas être ton héros. Je ne veux pas faire ton bonheur. Il faut toujours être ailleurs. Être ton héros, je ne veux pas faire ton bonheur, il faut toujours être ailleurs. Laisse-moi là, je ne veux pas être ton héros. Je ne veux pas faire ton bonheur. Il faut toujours être ailleurs. Écoute-moi, le monde est interminable. L'amour passe ou l'amour tue. Tu n'as pas encore tout vu.